Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Chris Brown, set it up. Said and done, I'm owning it all. I know you think it's just rap, just this, just that. Right, nah baby, this my life. Wanna have fun for a night? Then just loosen up your body till it come undone. Loosen up your body, baby, come undone. Loosen up your body till it come undone. Loosen up your body, baby, come undone. Oh my, my, looking like a good, good time. Don't disguise the way you wanna love tonight. Off in Casacampo, who would've thought DK? Down in Key Largo, you know I'm on that sticky. Icky, icky, icky, icky. Don't do it much, but when I do, I'm gone. Don't take it all off, keep your heels and thong. Hi, mommy, that turns me on. Now just listen to the song and loosen up your body till it come undone. Loosen up your body, baby, come undone. Loosen up your body till it come undone. Loosen up your body, baby, come undone. I wanna, let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends. Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is. I wanna, let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends. And we can fun. Radio Mixplore. What up, what up? Radio Mixplore. Un max de son dancefloor. Yeah! Radio Mixplore. Hey baby, ici c'est Makassime. Le boulot Mike, yeah. Bam bam bilam bam. En el taxi, la conocí caminando por

On danse, on se laisse aller. Ses fesses sont calées contre mon corps. Tellement sexy, j'aime comme elle bouge, comme elle épouse. Les coups de rein cadencés que je fais quand je quitte. Cette danse nourrit, j'en perds les mots. Je suis sous le sang, c'est chaud. C'est qui résume ce que je pense. C'est si beau quand elle danse. Sa silhouette, son déhanché. Quand elle ondule un peu penchée. L'un contre l'autre, en cadence. On se déhanche, c'est assez hot quand j'y pense. Les mains en l'air, elle se laisse aller. Les mains en l'air, elle bouge son fessier. Danse, danse, danse, bébé, donne tout. Danse, danse, danse, bébé, rends-moi fou. En dansant, fais-moi l'amour. En dansant, fais-moi l'amour. Danse, danse, danse, bébé, donne tout. Danse, danse, danse, bébé, rends-moi fou. En dansant, fais-moi l'amour. En dansant, fais-moi l'amour. Un max de son dance floor. Tous les tonnes de galères dans la tête. Tous rater et je dois avancer sans m'arrêter. Ça va changer. Après l'hiver, c'est l'été, tout va s'arranger. Prépare tes affaires ou mets les voix. Radio Mix Floor. Voilà, voilà. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Yeah. Radio Mix Floor. Every day is so vague, it's a psycho. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Radio Mix Floor. Ah yeah. Un max de son dance floor. I want you to be my friend. We'll make it to the world ends. Don't give me love governed by life, limited by these worldly heights. I want a love that the universe can never stop, can never hurt. I want a love that will last after this world. Time could erase.

Bring out the bottles, oh. Shake that girl, keep the bottles popping. If I take that girl, then the panties dropping. But I'll wait right here, cause I see more options. I got it, hey. And now you want it, oh. And then you need it, hey. Because I beat it. Up, make a scream for more. I drank so much, gotta hit the flow. She dropped it low, I slapped it, yo. And said this red food with the big ass fro. In the ear I said, it's gon' be popping tonight. It's gon' be popping. In the club I said, the champagne. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Surprise. Lifted, drifting higher than